Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Lucie Vatrinet. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette cinquième saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF, qui est une coopérative bancaire éthique qui existe depuis plus de 35 ans. Concrètement, ça veut dire qu'elle collecte de l'épargne auprès des particuliers et que grâce à cette collecte, elle va financer des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est vraiment la banque des 2030 Glorieuses qui, en réalité, repose sur trois concepts clés. C'était d'abord une coopérative puisqu'elle appartient à ses sociétaires et elle favorise leur implication. Elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent et elle est transparente puisqu'elle est le seul établissement bancaire à publier l'intégralité des prêts qu'elle réalise. Et en plus, du coup, elle ne finance que des projets engagés et me permet, moi, depuis plusieurs années, d'interviewer plein de projets qui participent donc aux 2030 Glorieuses. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série d'été sur la thématique du pouvoir de l'argent, je donne la parole à Lucie Vatrinet, donc coordinateur régional de l'association des Cigales Auvergne-Rhône-Alpes. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les Cigales, c'est l'acronyme de Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Ensemble, nous parlerons de comment remettre l'argent au service de l'économie locale et du réinvestissement citoyen et démocratique. Pour commencer cet échange, Lucie, je te pose la question que je pose à tous mes invités. Imagine que tu es dans un événement où tu rencontres des inconnus et arrives très vite sur la table la question de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Qu'est-ce que tu réponds dans ces cas de figure ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Bah, comme beaucoup, je réponds par mon métier. Donc effectivement, je suis maintenant déléguée d'ailleurs régionale de l'association des Cigales Auvergne-Rhône-Alpes. Et je leur dis qu'en fait, après avoir naviguer à la fois dans des grosses assos nationales et internationales et après avoir mis un peu mon nez dans la politique locale, j'ai décidé de m'impliquer dans une association qui est vraiment dans une logique de grande proximité, d'une asso où les personnes décident de mettre leur argent en commun pour soutenir des projets qui font sens pour leur territoire et que c'est des gens qui se connaissent pas souvent, qui mettent leur argent ensemble et qui reprennent vraiment leur pouvoir dessus parce que les Cigales, on appelle ça le circuit court de la finance solidaire parce qu'on n'a vraiment pas d'intermédiaire. Restons un peu sur cette notion de métier qui est pour moi vraiment la porte d'entrée du podcast. Si tu devais renommer ton métier en tenant en compte, en prenant en compte l'objectif, tu vois, la mission à laquelle tu contribues, qu'est-ce que tu dirais ? Est-ce que tu es une... je ne sais pas, une facilitatrice de l'investissement responsable ? Est-ce que tu donnes du sens à l'épargne solidaire des gens ? Comment tu renommerais exactement ton métier ? Parce que finalement, vous contribuez à faire en sorte que l'argent y circule, que les gens aient des voix, qu'ils suivent vraiment exactement ce qui se passe sur le terrain. Tu arriveras à le nommer, ça ? C'est une excellente question de mettre des mots qui font du sens sur les métiers qu'on fait. Moi, je dirais que oui, mon rôle, c'est de... Je sensibilise à l'impact de l'argent et j'aide les gens à se dire qu'ils peuvent avoir du pouvoir dessus et un pouvoir plein et total, c'est-à-dire décider des personnes avec qui ils vont investir, ce dans quoi ils veulent investir et eux-mêmes se coltiner des fois des choses qui leur paraissent abstraites comme des plans de financement et leur donner les clés pour comprendre ce monde-là aussi. Bon, bah, du coup, tu es vraiment la personne idéale hein, pour cette série d'été, puisque on se pose la question de comment redonner de l'impact à notre argent. Et en fait, c'est une question individuelle et collective. On a eu déjà Alexandre Poidatz qui nous a expliqué pourquoi l'argent faisait du mal actuellement encore dans notre société. On a une personne de la NEF, on a une personne des coopératives aussi, des licornes, qui nous donne plein de pistes pour retravailler la question du sens de l'argent et à la fois bah, dans le sens actuel des 2024, l'argent c'est de la richesse, c'est quelque chose qui passe entre les gens, les entreprises, on parle de création de valeur, on a cette vision très économique d'un argent qui en fait est devenu un peu à la fois un moyen et une fin. Et vous, vous permettez d'incarner des alternatives avec les cigales. Est-ce que toi, tu as vraiment cette conception stratégique de votre manière de montrer à quel point l'argent il peut être remis à sa juste place pour faire une économie à taille humaine, je le dirais comme ça, ou est-ce que ça n'a pas été pensé comme ça, ou est-ce que tu le dirais autrement ? Donc moi j'ai vraiment l'impression que on permet aux gens de redonner du pouvoir à leur argent et qu'en fait ce qu'on fait c'est que d'un côté on partage le même objectif que des acteurs que tu as cités comme la NEF sur conscientiser, essayer d'interpeller les citoyens sur à quoi sert votre argent, l'impact souvent négatif qu'il a et dont les personnes n'ont pas forcément conscience. Donc tout ce volet un peu éducation à la citoyenneté en prenant cet axe dont on parle peu, qui est celui de l'épargne et qui est celui de l'argent. Et un autre volet qui me semble vraiment intéressant, c'est se servir de l'argent pour créer du collectif et créer des objets porteurs de sens sur les territoires. Parce que souvent, on dit, voilà, les cigales soutiennent des projets comme, je ne sais pas moi, des épiceries locales, des coopératives funéraires, d'autres projets comme des supermarchés coopératifs, enfin, plein de projets assez différents. Mais il y a aussi cette dimension que plus j'avance, plus je la vois, cette dimension de lien humain qui se crée à l'intérieur des clubs avec cet argent mis en commun, quoi. Et ça, je trouve ça, c'est aussi des petites poches d'interconnaissance et puis de partage de valeurs avec des personnes souvent issues quand même d'horizons très différents. Et ça aussi, je trouve que ça maille le territoire de nouvelles formes de solidarité. N'allons pas trop vite, Lucie, c'est de ma faute, pardon. Je suis parti déjà dans plein de questions, une question qui te laissait répondre de plein de manières différentes. Mais je voulais vraiment qu'on revienne sur les cigales. L'acronyme est assez évocateur, mais j'aimerais que tu me réexpliques de manière assez simple pour une porte d'entrée auprès des personnes qui connaissaient pas le concept. À quoi ça correspond les cigales ? Pourquoi ça a été créé et comment ça fonctionne aujourd'hui ? Puisque toi, tu fais partie des cigales Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui laisse sous-entendre qu'il y a des cigales un peu partout en France. Est-ce que tu peux me faire un peu l'historique, le pourquoi, le comment, s'il te plaît ? Tout à fait. Alors, les cigales, en fait, pour faire très simple, c'est un club de personnes physiques, donc toi, moi, n'importe qui met un peu d'argent en commun tous les mois à partir de 7,5 euros par mois. On les appelle les cigaliers, hein, c'est ça ? On les appelle les cigaliers et les cigalières, effectivement. Et ils sont entre une quinzaine en général, entre 12 et 20. Et ils sont ensemble, ils se mettent ensemble, ils mettent leur argent en commun et ils décident ensuite collectivement de financer tel ou tel projet qui fait sens pour eux sur leur territoire. Donc, il y a une dimension d'investissement local qui est très importante. L'année dernière, on a fêté les 40 ans des cigales. Donc, ça a déjà un peu d'âge. Et en fait, dans les années 80, les cigales ont été créées par des personnes qui se sont dit en fait, il faut un outil pour permettre aux gens de s'approprier ces notions d'argent, ces notions d'impact économique de l'argent et de territoire. Et donc, en fait, c'est des personnes qui ont utilisé une législation qui existe hein, pour des clubs d'investisseurs qui, à la base, ont plutôt été créés pour des raisons de fiscalité, qui se sont dit, on va utiliser cet outil qui existe pour en faire quelque chose de citoyen, pour en faire quelque chose qui contribue à une forme, voilà, on se revendique d'éducation populaire sur les questions économiques et sur les questions de gestion de l'argent. Et donc, des citoyens se retrouvent, mettent de l'argent dans un pot commun et peuvent soutenir n'importe quelle entreprise pour financer une entreprise qui fabrique des armes à feu, du tabac, des puits de pétrole bien connus en France, évidemment. Évidemment. Non, il y a une charte des cigales que chaque cigalier, quand il rejoint un club, signe et qui dit que les projets soutenus par le club doivent avoir une plus-value écologique, sociale ou culturelle. Donc, on est sur un champ relativement vaste, mais avec ces trois critères qui doivent être, un de ces trois critères qui doivent être remplis. On comprend l'intérêt de mettre en commun son épargne pour soutenir un projet économique. Je pense que c'est sûr, et j'aimerais que tu me le racontes, même si on n'est pas obligé de s'attarder trop longtemps là-dessus, il y a un intérêt économique, peut-être de se dire que voilà, son argent peut faire des petits. Mais j'ai l'impression que c'est en réalité pas l'intérêt qui reste en tête pour les cigaliers et les cigalières, puisque une fois que l'argent est prêté à une entreprise, là se noue un vrai partenariat en réalité avec des temps de consultation, de conversation, l'ouverture de carnets d'adresses. Raconte-nous un peu tous ces liens dont tu nous parlais dans la première question que je t'ai posée, s'il te plaît. Effectivement, nous, on a tendance à dire que quand on rejoint un club cigale, l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est d'éviter d'en perdre. Donc, faut bien rappeler que l'idée, c'est pas simplement de faire des dons, c'est de faire des prêts qui peuvent prendre diverses formes juridiques, hein, en fonction que ce soit une entreprise, une asso, un entrepreneur individuel, enfin bon, une coopérative. Donc l'objectif, c'est vraiment de l'aider à un moment clé de son développement pour passer un cap en investissement ou aussi pour justement pouvoir des fois débloquer des prêts bancaires. L'année dernière, quand on a fait fêté nos 40 ans, justement, on a fait une étude d'impact. Et il y avait des entreprises, on les appelle les entreprises cigalées, hein, celles qui ont été les porteurs de projets qui ont été suivis par des cigales. Et il y en avait un qui avait dit, ah ben nous, quand on est allé voir le banquier, il nous a dit, oh là là, si votre dossier est passé entre les mains des cigales, c'est bon, je peux signer les yeux fermés. Donc, je pense pas que ça se passe comme ça partout, mais ça montre qu'il y a quand même, pour les banques, c'est aussi la preuve que si des citoyens sont prêts à risquer leur épargne dans un projet, ce qu'il a quand même été un petit peu regarder en amont et qu'il y a une confiance en fait de 15, 16, 17 personnes que ces personnes accordent au projet. Donc ça peut jouer cet effet levier auprès des banques. Et puis concernant effectivement ce que tu disais hein, sur la particularité de l'investissement cigale, c'est aussi qu'il ne s'agit pas simplement de mettre son argent quelque part et là où on le décide, mais aussi de suivre sur le long terme au moins 5 ans, parce que la durée de vie d'un club, c'est 5 ans. Mais parfois, on voit bien que les relations elles se tissent sur du plus long terme. Le porteur de projet soutenu. Comment ça se passe? Évidemment, ce n'est pas les 15 personnes qui vont suivre un projet, mais quand un club décide de soutenir un projet, il va nommer un référent et ce référent-là est chargé d'être en lien avec le porteur de projet, de faire des points réguliers, alors ça ne veut pas dire toutes les deux semaines, hein, mais en tout cas deux fois par an en général, et de voir avec lui de quel type de besoin il peut avoir en fonction de là où il en est dans la création ou dans le développement de son projet, et d'essayer de pouvoir y répondre. Et là, on essaie vraiment de développer tout ce axe développement, enfin accompagnement citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire l'accompagnement citoyen? Comment est-ce qu'on peut tous se sentir légitime, même si on n'est pas, c'est pas le cœur de notre métier. Simplement des fois par l'écoute, par faire bénéficier du réseau, en parler autour de soi, essayer de trouver des solutions ensemble. Ça compte beaucoup et ça fait aussi partie des choses qui sont beaucoup remontées lors de cette étude d'impact. J'ai en tête moi les cigaliers, des cigalières, j'imagine, tu vois, que le profil type, le portrait robot, c'est un peu des personnes qui ont 50 ans et plus, pas mal d'épargne et donc qui peuvent se permettre de prendre ce genre de risque, qui ont toujours eu le nez dans les entreprises, la création économique et qui ont leur mot à dire, qui ont envie de vivre l'expérience à travers quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Dis-moi si je me trompe et dresse pour moi les deux, trois profils types des personnes qui participent au Cigale, s'il te plaît. Eh bien, moi, je dirais, enfin, effectivement, le portrait robot que tu dresses, il existe, mais c'est bien plus divers que ça. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans les cigales, c'est que effectivement, tu peux avoir des personnes d'une cinquantaine d'années avec un peu d'épargne, et puis souvent, comme tu le dis, une expérience dans l'entrepreneuriat. Mais pas forcément dans l'économie sociale et solidaire, donc qui ils viennent un peu sur le tard ou sur des à côté, parce qu'on parle bien que de bénévoles hein, dans les clubs cigales. Et se croise aussi un autre profil qui est des personnes plus jeunes, qui en général, et de plus en plus d'ailleurs, arrivent aux cigales par, par un questionnement sur qu'est-ce qu'ils peuvent changer dans leur quotidien pour essayer d'avoir des actions qui sont en accord avec leurs valeurs. Donc souvent, on pense d'abord à notre mode de déplacement, on pense d'abord à l'alimentation, on pense à l'énergie et des fois, après, on arrive à « et mon argent ». Et donc, on a de plus en plus de personnes plus jeunes, hein, autour de 28-30 ans, et qui viennent plutôt par l'axe militant, en fait. Et c'est assez rigolo au sein des clubs de voir se croiser ces deux profils un peu types, parce qu'ils s'apprennent beaucoup mutuellement les uns des autres. Et je trouve qu'il y a un enrichissement individuel et collectif de cette rencontre. J'ai connu les cigales à travers l'opportunité que vous m'avez donnée d'animer un voyage en 2030 glorieuse lors de votre assemblée générale. Je crois, non, c'était un anniversaire, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et j'avais déjà en tête l'expérience des cigales parce que j'avais des personnes qui font partie de mon entourage qui ont été cigaliers et cigalières. Et donc, je vois bien l'impact que ces personnes ont sur le terrain, à quel point ça les concerne, ça les passionne. Et puis, en réalité, ça leur donne aussi la curiosité de toutes les entreprises, les boutiques dont elles vont pousser la porte parce qu'elles veulent comprendre comment ces gens sont financés, quel est le modèle économique. Je trouve que ça suscite un intérêt en fait sur toute la vie qu'on a autour et à l'extérieur de son expérience de cigalier. Et ça me parle, j'ai l'impression qu'on sort vachement du mode pilote automatique du coup. Et raconte-moi où sont les autres expériences des cigales, si toi tu les as en tête, parce qu'effectivement tu me parles de la région Rhône-Alpes. J'aimerais que tu me dises qu'il y en a partout en France, pour les personnes qui nous écoutent ailleurs qu'à Lyon ou à Grenoble. Et puis j'aimerais que tu me dises aussi peut-être s'il y a eu un projet notamment qui te vient en tête et qui n'aurait pas été financé par les banques, qui n'aurait pas pu être financé autrement que par le mécanisme des cigales, s'il te plaît. Alors effectivement, il y a des cigales. Quand j'ai dit la première cigale, elle a été créée il y a 40 ans, elle n'a pas été créée en Auvergne-Rhône-Alpes et c'était en Île-de-France. Et aujourd'hui, il y a des cigales partout sur le territoire. Alors il n'y a pas des associations régionales partout en France, mais il est possible d'aller sur le site de la Fédération nationale pour être mis en relation avec les clubs qui existent partout en France. Donc oui, il y a bien des cigales partout en France. Il y en a une, je crois, 300 à peu près. À l'heure actuelle, parce qu'il faut bien comprendre que c'est toujours en mouvement vu qu'un club dure 5 ans, c'est tout le temps en train de se recréer. Et j'imagine en plus les cigaliers, les cigalières hyper ouvertes, et donc si on est curieux, on peut aller boire un café avec quelqu'un qui raconte son expérience, qui répond aux questions, j'imagine. Ah oui, hein. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Mais ce qu'il faut peut-être comprendre si vous nous écoutez, c'est qu'un club. En fait, il se crée au début, il accueille souvent des gens dans les deux premières années et puis après, il faut créer un autre club et que c'est aussi ça qui fait partie de l'aventure, c'est-à-dire créer le collectif et rejoindre des personnes au début. C'est presque un travail en soi, quoi. C'est un travail en soi et moi, je trouve que c'est aussi ça qui fait partie de la richesse de l'outil, quoi. Nous, on est là vraiment en tant que salarié, je suis là pour apporter toutes les billes, pour créer l'outil, mais il appartient complètement aux personnes qui se mettent dedans et ça donne beaucoup de pouvoir d'agir, en fait. Il n'y a aucun club qui se ressemble, ils fonctionnent tous différemment et moi, je trouve ça extrêmement riche. Petite parenthèse. Ta question, c'était est-ce que j'ai un exemple en tête d'une entreprise qui n'aurait pas pu, enfin, qui n'aurait pas eu l'argent des banques. Oui, j'en ai une hein, qui normalement qui est un petit peu connue par chez nous, qui s'appelle Cities. C'est Cities, Cities qui est donc l'entreprise d'autopartage qui à l'époque s'appelait Alp Autopartage et qui maintenant ça c'est un réseau national. Et lors de l'étude d'impact, on a l'ancien directeur de Cities Alpes-Loire qui est aujourd'hui cigalier et il a dit au mois de décembre 2009. Je m'apprêtais à jeter l'éponge. Sans l'apport des cigales, Cities Grenoble n'existerait pas. C'est une belle histoire, c'est un coup de bol. Et du coup, c'est rigolo parce qu'on a gardé une relation très forte avec Cities à Grenoble. C'est là qu'on a notre siège social. Notre coprésidente a longtemps été la numéro 2 de Cities. Daniel Faudry, qui est donc l'ancien directeur, il est cigalier depuis 10 ans. Enfin, il y a quelque chose qui s'est noué, qui est assez fort en fait entre ces deux projets. Tu parles de Martin Lesage, c'est ça ? Non, je parle de Daniel Faudry qui était là D'accord. avant. D'accord. Eh ben, on a eu Martin dans le podcast 2030 Glorieuse il y a quelques années, donc ça permettra de réécouter l'épisode effectivement. Lucie, moi, je vais t'emmener bientôt en 2030 Glorieuse parce que j'ai vraiment envie de savoir à quoi ça ressemble un monde ou en tout cas une France et nos villes où tout est cigale partout. C'est ça un peu que j'ai envie de discuter avec toi. Et avant ça, on a toujours une respiration, une bulle d'air qui vient des lectures que l'invité nous apporte et a envie de partager. J'ai l'impression que toi, en plus, tu viens avec une petite surprise doublée même. Hein. Et oui, j'ai choisi deux extraits. J'ai pas réussi à me décider. Et comme ils sont courts, ça tient quand même dans le timing qui m'était imparti. Donc, deux extraits. Le premier, il est issu d'un essai qui est intitulé « Joie militante, construire des luttes en prise avec leur monde » de Carla Bergman et Nick Montgomery. Et le second, il est un petit peu plus ancré dans l'actualité puisqu'il a été rédigé la semaine dernière par Juliette Rousseau dans le cadre d'un recueil qui s'appelle « Contrecarrer les imaginaires d'extrême droite ». Commençons toujours au milieu de nos relations, de nos quartiers, avec nos propres penchants, nos habitudes, nos amours, nos complicités, nos connexions. Aucun individu ne précède le réseau dense de relations dans lequel nous sommes entrelacés. Cet espace relationnel échappe au piège de l'intérêt personnel et du devoir moral. C'est un espace qui se situe au-delà des individus isolés et des sauveurs altruistes. Nous sommes toujours en train de participer à façonner nos mondes en même temps que nous sommes façonnés par eux. Dans cette perspective, la liberté ne peut rien vouloir dire d'autre que l'expansion éthique de ce dont nous sommes capables, ce que nous pouvons ressentir et faire ensemble. Qu'est-ce qui pousse les gens à se battre les uns pour les autres, à se soutenir par des moyens radicaux et à construire des liens durables et aimants? Qu'est-ce qui rend possible pour les gens de rompre ou de défaire les attachements ou les relations étouffantes? Nous ne pensons pas que la réponse soit l'idéologie. Les valeurs politiques abstraites peuvent soutenir des alliances de court terme, mais nous doutons de leur capacité à devenir la glue qui tient les gens ensemble sur le long terme. Nous suggérons plutôt que les relations fortes sont le fondement de la résistance. Et donc mon autre texte, plus ancré dans l'actualité, qu'a rédigé la semaine dernière par Juliette Rousseau, dans un recueil « Contrecarrer les imaginaires d'extrême droite ». Dehors, le blé arrive à maturité. Les pluies torrentielles de mai ont fait le bocage luxuriant. Partout, ça déborde de feuilles, de graines, de champs. La mélodie des grives et la couleur des fleurs de calendula ne sont en rien altérées. C'est la capacité à les rencontrer qui en a pris un coup. De ça aussi, il faudra savoir parler aux enfants, leur dire que la rencontre, c'est ce que la vie a de plus beau à donner et ce pourquoi il faudra toujours se battre. Parce que la rencontre, c'est inné et fragile à la fois. Ça demande du soin, du temps, des droits, l'égalité, la liberté. Un certain laisser-faire et la tendresse aussi, d'un genre qui ouvre grand les bras. Ça demande des existences nouées les unes aux autres et libérées ensemble. Thank you. Bah justement, on y est en 2030, ça y est. C'est une période que j'ai décrétée il y a quelques années parce que moi, j'en avais marre qu'on me dise qu'on était en crise et je sentais bien qu'il y avait besoin d'être dans la prophétie autoréalisatrice qui jouait pour nous plutôt que dans celle qui jouait contre nous. Et j'ai envie de me raconter comment demain, ça sera mieux. Et je me suis rendu compte que c'était tellement mieux quand je le faisais avec d'autres personnes, notamment d'autres personnes qui, à l'époque, hein, tu te souviens, en 2023, 2024, en fait, le podcast existe depuis quelques années déjà, eh ben, ils se bougeaient déjà avec cette même conviction qu'on pouvait les faire advenir ces 2030 glorieuses et souvent incarnaient, moi, ce que je voyais comme d'évident dans les 2030 glorieuses, à savoir de la solidarité, de la créativité, de la joie, beaucoup de joie. Et j'aimerais bien qu'on fasse cet exercice, Lucie, de raconter les 2030 glorieuses au présent, celles qui vont exister dans notre conversation, par le prisme de la normalisation de ce que toi, tu faisais à l'époque. Hein. Tu te souviens, il y a une dizaine d'années en arrière, puisque les 2030, peut-être que là, dans ta tête, à toi de nous dire, hein, tu es peut-être en 2032, en 2037, en 2039, tu nous diras. Mais à quoi ça ressemble ces 2030 glorieuses où on aurait réussi ? Bien évidemment, on n'a pas tout réussi, mais on a réussi enfin à se mettre à la hauteur des enjeux. Et on sent que si on voulait, on ne pourrait pas faire mieux. Au moins, on va dans le bon sens, au moins, on agit avec ambition et on a arrêté de confondre le comment et le vers quoi. Et donc, ma première question à toi, Lucie, puisqu'on va devoir réussir à raconter cette 2030 glorieuse de la manière la plus précise, la plus nette, la plus claire possible pour que les gens qui sont restés en 2024 et qui nous écoutent puissent bien les percevoir, ces 2030 glorieuses. Ma question qui s'adresse à toi, c'est là, toi qui, et je sais pas où d'ailleurs, tu regardes par ta fenêtre et qu'est-ce que tu vois, toi, dans tes 2030 glorieuses? En 2030, je vois des personnes qui ont complètement arrêté de ne plus se soucier de à quoi sert leur argent. C'est-à-dire qu'elles ont un regard total et une décision, un pouvoir total sur là où elles décident de le mettre, là où elles décident de mettre leur épargne. Et je vois donc beaucoup, beaucoup plus de cigales partout sur le territoire, mais pas que. Parce que ce qui me semble intéressant, c'est que là, les gens, ils ont vraiment pris conscience qu'ils pouvaient gérer leur épargne, même s'ils n'en ont pas beaucoup, même si c'est 1 000, 2 000 euros, de manière à ce qu'elle ne dorme pas et qu'elle ne serve pas à financer des projets fossiles ou quoi que ce soit. Au contraire, ils ont décidé de panacher leur épargne dans différents endroits. Ils en ont mis un peu à la nef, ils ont pris des parts dans des coopératives comme Terre de Liens ou comme Village Vivant, ils ont ou Énergie Citoyenne, par exemple. Et ils ont décidé aussi d'accorder plus de temps à la gestion de cet argent et donc de placer une partie de cette épargne. Donc aujourd'hui, puisqu'on a maintenant plus de 1 000 clubs cigales sur le territoire, c'est plein de projets divers et variés qui sont soutenus. Il y a vraiment des projets qui sont autour de l'alimentation avec des restaurants accessibles pour toutes les bourses avec des produits sains et locaux. Il y a une multiplication des tiers-lieux qui permettent aux gens de se rencontrer dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Il y a des entreprises qui proposent de récupérer le compost là où ça n'est pas encore fait par les collectivités. En fait, je te coupe, Lucie, hein, mais toi, tu parlais du pouvoir de l'argent. Tu te souviens, à l'époque, on disait, bah voilà, on est limité, on n'a plus que notre pouvoir d'achat et on accordait toute notre attention à ce pouvoir d'achat, à savoir qu'on travaillait des heures et des heures, souvent pour des boulots qui ne nous intéressaient pas. Et ensuite, on réfléchissait des heures et des heures et on passait des heures et des heures dans des magasins ou sur Internet pour imaginer comment on allait dépenser cet argent durement acquis pour des choses qui, en réalité, ne nous faisaient pas forcément du bien. Et un jour, on s'est rendu compte que l'argent, effectivement, il nous donnait du pouvoir d'acheter, mais il nous donnait aussi du pouvoir de soutenir, du pouvoir de déployer, du pouvoir de reterritorialiser. Et donc, c'est une responsabilisation bien plus concrète et bien plus complète. Surtout que Ben, c'est sûr que 2024, 2025, 2026, ça n'a pas été des années faciles. Il y a eu l'effondrement de pas mal de magasins, de grandes chaînes, et donc la disparition de choses qui nous semblaient vitales. Et ça a été l'occasion, et d'ailleurs un vrai coup d'accélérateur pour les cigales, de se dire, mais en fait, moi là, je vois tous ces commerces qui se ferment. De quoi j'ai besoin vraiment autour de chez moi? Et on a donc tous ces clubs de cigales qui se sont créés parce qu'il y a des gens qui se disaient, mais moi là, j'ai plus de boulangerie. Moi, j'ai plus la personne qui va pouvoir réparer mes objets électroménagers. Moi, j'ai pas la maison de soins pour pouvoir avoir des médecins à côté de chez moi. Et donc là, on s'est remis à décider et donc à planifier réellement nos besoins ensemble. Et ça, ça change tout, en fait. C'est vrai, parce qu'en plus, la plupart des projets là qui sont en ce moment soutenus par les clubs, c'est des projets qui ont des formes coopérative, donc où les usagers, mais aussi les investisseurs, enfin tout le monde, les clubs cigales peuvent vraiment avoir voix au chapitre et discuter des besoins du territoire. Donc il y a vraiment un espèce de lien qui s'est recréé entre les besoins et les apports financiers. Donc ça, c'est vraiment extrêmement riche. Et je pensais aussi à des projets qui sont pas mal soutenus en ce moment, c'est toutes les fermes coopératives. On a repris de plus en plus de terres urbanisées qu'on a débétonnées pour pouvoir faire plus de production locale et pouvoir se réapproprier aussi ce qu'on mange sur nos territoires. Et maintenant, ce qui est fou, vu que on a cette habitude d'être cigalière, cigalier, d'avoir de la transparence derrière les entreprises qu'on soutient, de comprendre comment ça marche, de voir les zones d'amélioration, en fait, on a maintenant envie de savoir partout, tout le temps, comment ça marche. Et donc, pour les grands groupes qui restent, d'avoir autant de clients qui viennent leur dire « Mais en fait, moi, je veux voir là je veux voir votre compta, je veux voir la liste des partenaires, je veux voir votre chaîne d'approvisionnement, je veux voir vos stocks, je veux voir comment ça fonctionne. » Ça les a au début vachement désarçonnés. Il y a eu même parfois des replis assez violents parce que le secret des affaires, parce que des pratiques qui ne voulaient pas toujours être assumées. Mais ça nous a permis aussi de faire le tri. Et la transparence de la cigale, c'est devenu une bonne habitude à prendre en fait. Oui, tout à fait. Et puis je dirais même, ça va plus loin. Aujourd'hui, les gens disent, mais alors les dividendes, vous en faites quoi? Est-ce que on peut pas parler d'augmentation du salaire des salariés? Enfin, et vous êtes payé combien? Enfin, il y a plein de sujets comme ça qui étaient complètement tabous, ou en tout cas les gens avaient l'impression à l'époque, c'est vrai que ça paraît loin, mais avaient l'impression que ça ne leur appartenait pas, ça ne leur appartenait plus, qu'ils n'avaient pas de pouvoir d'agir là-dessus. Et c'est vrai que de s'impliquer comme ça dans des projets économiques locaux, ça a permis d'un coup à plein de gens de se dire qu'ils avaient un avis à donner, que cet avis était légitime sur la manière dont fonctionnait le reste de l'économie. Et tu parles du reste de l'économie, justement, le gouvernement français un jour a avoué que en termes d'investissement pour qu'on puisse se mettre à la hauteur des enjeux écologiques, sociaux, culturels, il allait avoir besoin d'aide, il n'arriverait pas à tout faire tout seul, et que les milliards, on parlait à l'époque de 5000 milliards de l'épargne citoyenne, pouvaient aider justement à accélérer l'avènement de ce que moi j'appelle et ce que j'appelais déjà à l'époque les 2030 glorieux. Ça aussi, ça a été une manière pour les citoyens et les citoyennes de se dire « oui, en fait, on a peut-être un peu trop sous-traité à l'État, on a peut-être un peu trop cru qu'il allait tout faire pour nous ». Et donc, c'est pas pour dire qu'il faut surresponsabiliser les citoyens, mais on a des marges de manœuvre qui sont quand même extraordinaires. Et vu que nos vies aujourd'hui sont beaucoup plus à l'échelle du territoire, vu qu'on est vraiment un peu plus déconnecté du national, du tout Paris comme à l'époque, on est très content en fait de se rendre compte qu'on est tout à fait proactif dans la phase de notre quartier, la phase de notre territoire, la phase des échanges qui se font entre les différentes organisations, et que ça, on veut plus sous-traiter tout ça. Non, mais justement, enfin, c'est ce qui est intéressant, c'est quand même de se rappeler que ce que tu décris là, cette décentralisation, elle a aussi été arrachée parce qu'il y a eu, à un moment donné, des tensions très fortes et des luttes pour décentraliser l'État, et de se dire qu'effectivement, il fallait qu'on récupère des marges de manœuvre au niveau des territoires. Et il faut quand même se rappeler qu'en 2024, on était encore un des pays les plus centralisés d'Europe, et où il fallait que les territoires respirent un petit peu et qu'on puisse laisser les citoyens justement répondre à leurs propres besoins, s'organiser, reprendre le pouvoir sur leur argent, mais sur leur vie de manière plus générale, et que c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a 6 ans, j'aurais pas parié dessus. L'État, d'ailleurs, très inspiré par le mouvement des cigales, s'en sert aujourd'hui de thermomètre et voit chaque année les projets les plus financés, les plus soutenus par les cigales pour comprendre quels sont les besoins des citoyens et de voir qu'effectivement aujourd'hui l'automobile, l'ultra technologie derrière les téléphones qu'on appelait les smartphones à l'époque, les ordinateurs pliants, portables, ultra fins et tout ça, c'est devenu complètement délaissé des US et pas du tout dans les intérêts des citoyens et des citoyennes. Et donc ça lui permet d'adapter. Toi, tu parlais de l'alimentation saine, accessible pour tous et toutes, ça c'est une vraie fascination des Français. Il y a le gros sujet en ce moment de la réparation des objets pour les faire durer le plus longtemps possible, hein, aussi. Oui, bien sûr, ça c'est vrai que tu as raison, je l'avais un peu oublié, enfin pas oublié, je ne l'ai pas mentionné parce qu'il y a tellement d'initiatives, c'est ça aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui on est une équipe de 20 pour pouvoir un peu aider tous ces clubs et suivre les projets à l'échelle du territoire, et donc on n'a plus en tête comme avant les 20 projets ou 25 projets qui étaient soutenus par an, mais oui, tu as raison, il y a une vague de projets d'aide à la réparation, et puis aussi de faire en sorte que les personnes puissent elles-mêmes se réapproprier ce pouvoir d'action sur les objets, c'est-à-dire les former à réparer elles-mêmes des choses qu'on a complètement oubliées en fait, ou à construire soi-même. Et ça, c'est des projets qui sont beaucoup soutenus par les cigales en ce moment et qui montrent bien qu'il y a cette aspiration à reprendre le pouvoir sur tout, même sur comment est-ce qu'on répare un objet, comment est-ce qu'on construit une étagère, comment, et tout ça. Et ça fait partie aussi d'un mouvement de fond qui est observé au niveau de l'État. Ouais. C'était ma prochaine question pour toi, tu as partiellement répondu, mais je veux en savoir plus. Qu'est-ce que tu fais, toi, Lucie, en 2030 Glorieuse ? Eh bien, on continue d'accompagner tous ces collectifs qui ont tout le temps envie de se créer, parce que là, ça déborde. Et on a un gros travail de mise en lien aussi, parce que la législation n'a pas changé concernant les clubs, parce que nous, on pense que c'est la bonne échelle, hein, donc c'est toujours entre 15 et 20 personnes. Mais par contre, après, sur un même territoire, quand par exemple à Grenoble, on en a 15, enfin dans toute l'agglomération et dans les zones rurales, parce que ça a beaucoup changé aussi par rapport à 2024. On a vraiment des clubs partout sur le territoire. C'est comment est-ce qu'on fait se rencontrer ces clubs, comment on les fait travailler ensemble, comment on organise en fait des moments de partage d'expérience, de convivialité qui viennent aussi recréer ce maillage plus dense à l'échelle d'un territoire. Moi, ça, c'est quand même le gros de mon boulot aujourd'hui. Ouais, donc toi, t'es chargée de liens. Voilà, je suis chargée de liens. Tu es chargée du partage des bonnes pratiques parce que forcément, dans tous ces groupes, il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Donc, il faut réussir un peu à consolider puis à faire remonter et partager toutes les bonnes pratiques qui sont inhérentes aux cigales. Mais je crois que je préfère charger de liens parce que moi, je suis encore et toujours très attachée à la diversité qui se crée au sein de ces groupes et à leur non-uniformité. C'est-à-dire que l'objectif est commun, mais moi, je trouve que plus il y a de liberté dans l'organisation de ces groupes, plus il y a d'engagement et plus il y a de sensation d'action et de pouvoir d'agir. Donc, moi, je suis là pour faire du lien, pour fluidifier, pour faire en sorte qu'ils se parlent, mais pas pour... Et oui, les bonnes pratiques quand il y a en tout cas des besoins qui sont exprimés, mais en tout cas, je reste très vigilante à ne pas souhaiter uniformiser ces groupes parce que j'ai l'impression que ça leur enlèverait une partie de leur pouvoir d'action. Ouais, d'ailleurs, ces groupes, on le voit bien, les zones où il y a le plus de cigaliers et de cigalières, ce sont aussi les zones où la démocratie du quotidien, la démocratie participative, c'est la plus vivante parce que les gens, ils ont cette habitude de la conversation, de la décision collective et ils ont cette fierté du territoire qui fait qu'ils s'impliquent en fait aussi dans la vie culturelle, aussi dans la vie politique, aussi dans la vie éducative. Et donc... Et d'ailleurs, c'est aussi des zones où on observe vraiment que les actes racistes sont de plus en plus en baisse en fait, parce que plus les gens se parlent, moins en fait la peur de l'autre elle devient un vecteur d'action, et ça c'est assez intéressant d'observer, de l'observer au niveau du territoire. On se dit vraiment que c'est en recréant ces liens là et en remettant du pouvoir d'action au sein de petits collectifs que on fait du vivre ensemble, en fait. Tu parles de racisme, on parle aussi de moins en moins de conflits intergénérationnels, hein, parce que bah, justement, dans les cigales, on a de tous les âges des cheveux blancs et des cheveux moins blancs, et c'est ça aussi qui permet de voir les cultures, les histoires, les compétences de chacun et de les valoriser. Socialement, c'est important, bien sûr. Si là, on devait commencer à revenir en 2024, Lucie, et que les personnes qui nous écoutent, elles se disent « Mais en fait, ça a l'air trop bien, moi je veux un monde comme ça et je veux pas attendre 2030 glorieuse. » Tu leur dirais de continuer par quoi ? Ils terminent le podcast là et c'est quoi leur prochaine action ? Regardez où est votre argent sur vos comptes bancaires. Dites-vous que vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de faire un transfert de toute votre épargne. Parce que ça, des fois, c'est ça. C'est ça qui bloque le changement. Vous pouvez vous dire, eh ben là, je vais sortir, je sais pas moi, soit 10 euros par mois, soit 200 euros d'un coup pour essayer de le mettre dans un endroit qui fait sens pour vous en fonction du temps que vous avez. Si vous avez un peu de temps et si vraiment cette logique de pouvoir d'action à votre échelle avec des gens que vous connaissez pas, elle vous parle, eh bien contactez les cigales sur votre territoire. Donc si vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes, appelez-moi, sinon appelez mes collègues, ils sont super sympas aussi, et on va multiplier cette aventure là ensemble pour un demain qui nous donne envie. Et si on a un peu peur comme ça de se lancer, d'être tout seul, est-ce que vous avez des prochains événements publics, des lieux un peu plus collectifs où on peut venir, pas en cachette, mais peut-être un peu moins visible pour découvrir les cigales, rencontrer des gens, sentir peut-être un peu l'atmosphère ? Alors, si on veut sentir l'atmosphère et rencontrer des gens, on est présent sur la plupart des salons. Là, je pense par exemple, si vous êtes à... Enfin, regardez, parce que là, je vais vous parler que de ma région, en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais par exemple, à la rentrée, on sera... au Greener Good Festival à Lyon, on sera au Festival Agir à Lyon. Quand je dis on, souvent c'est les cigaliers et cigalières d'ailleurs qui tiennent des stands, donc c'est vraiment des gens qui vont vous parler de leur expérience personnelle. On sera à Grenoble, on sera au Forum des Assos, à Saint-Étienne, on sera à Tatou Juste. Lors du mois de l'ESS en novembre, on organise un événement à Clermont-Ferrand, donc là vous pouvez venir nous voir à ces moments-là. Si vous avez envie d'être complètement anonyme, passez-moi un coup de fil quand même, parce que ça sera déjà un petit premier aperçu. Et aussi, nous, on a des groupes un peu en dormance où on attend de pouvoir rajouter des gens. Quand on a 3, 4, 5 personnes, on sait que c'est ça qui suffit à lancer un groupe. Donc, n'hésitez pas à nous dire en fonction de là où vous êtes pour qu'on puisse peut-être vous greffer sur un des clubs qui va se créer bientôt. Et puis, on a des visios d'information tous les mois pour venir prendre le pouls et savoir, parce que là, on a parlé de tout l'objectif général, mais si vous voulez vraiment rentrer dans les détails de comment ça marche un club d'investisseurs, on explique tout ça une fois par mois. Vous pouvez aller sur notre site cigale-aura.fr pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour les autres, vous pouvez aller sur cigale.asso.fr. Ça, c'est celui de la fédération. Merci, Lucie. Merci. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet et surtout vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 glorieuse à côté de chez vous. Salut !